Athénion. La vie de Ninon. Dans la vie de Ninon, il y a deux chemins se défilant devant lui. Le premier est tracé par des pas d'hommes qui ont passé avant lui. Ce chemin est lourd car il est profond en peine et en joie aussi. Il prendra ce chemin pour évoluer dans l'environnement où il vit. L'autre chemin est invisible. Il est tracé par la lumière de la vie. Il peut y accéder par la force de son Mishta Apeo, son âme. Ces deux chemins sont reliés quelque part dans le monde où nous vivons et dans le monde des esprits où nous voyageons par nos rêves. Quand les deux chemins se rejoindront, à ce moment-là, l'Inu se retrouvera lui-même. Ekwenehenawanet, Inu Tenyon, Utesit, Tsuroti Zupanu, Tietimska Diot, Tietimska, Win Tandewejit.